L'immigration. Alors on sait que ça fait de l'audimat, on sait que c'est un bon thème pour les élections, mais on oublie surtout qu'on parle d'humains et que ça crée de la misère, de l'exaspération autant chez ceux qui arrivent que chez ceux qui vivent déjà ici et qu'on n'écoute plus jamais. On le voit avec les événements de Calais, on le voit avec les événements des migrants. Mais que fait le gouvernement? C'est ce que j'entends tout le temps dire. Eh bien, rien. Puisque ce sont 4 articles des traités européens qui décident des entrées et des sorties du territoire, du regroupement familial, du droit d'asile et des expulsions du territoire. Donc ceux qui vous disent qu'ils vont agir contre l'immigration sans vouloir sortir de l'Union européenne, et donc de ces articles-là, ne vous disent pas la vérité. Alors bien sûr, il y aura toujours ceux qui vous diront « Oui, mais tu comprends, en fait les beaux parleurs qui surtout ne connaissent pas l'histoire. » Et l'histoire récente, c'est le président Sarkozy en 2010 qui aura voulu renvoyer les Roms dans leur pays d'origine. Alors Viviane Reding, qui s'occupait à l'époque de ces affaires-là pour la Commission européenne, aura dit « Non, et ce fut non, point à la ligne, tout le reste n'est que bavardage ».